Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo 107 FM. Nous sommes le jeudi 7 avril 2022. Nous sommes bien sûr en direct comme tous les jours. Il est un peu plus de 14h. Il est 14h01 même. Vous êtes dans votre émission Fréquence Libre. C'est Chris et pour cette nouvelle édition, je reçois dans nos locaux Marie-Thérèse Chanel, artiste peintre, qui est là pour nous parler de sa carrière d'artiste peintre et de tout ce qu'elle fait. Donc bonjour Marie-Thérèse. Bonjour Chris. Comment ça va ? Mais ça va très bien malgré le mauvais temps. C'est vrai, on va essayer d'apporter un petit peu de lumière pendant toute cette heure d'émission à nos auditrices et auditeurs et dans notre studio, du coup. Donc, avant de commencer, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Je suis artiste peintre, plutôt jeune, mais je peins depuis mon enfance et j'habite à Épinal. D'accord. Je participe à pas mal d'expositions, je suis déjà un petit peu connue, je pense, mais enfin... Voilà. Du coup, on va développer le sujet durant toute cette heure d'émission jusqu'à 15h. Et donc, du coup, quel a été votre parcours personnel pour en être là où vous en êtes aujourd'hui ? Comme vous l'avez dit, vous peignez depuis votre enfance. Mais est-ce que ensuite vous avez fait des études d'art ? Oui, un petit peu quand même. À l'âge de 8 ans, lorsque j'illustrais mes cahiers et que j'avais été quand même... j'étais une petite fille tout à fait timide. D'accord. Et la maîtresse montrait mon cahier et disait « Regardez Marie-Thérèse, ce qu'elle a fait, etc. » Et naturellement, je devenais toute rouge et un peu gauche. Mais mon grand-père avait aimé les fleurs et j'illustrais surtout mes cahiers de récitation. D'accord. Alors, il avait des fleurs, il avait des... Oh, c'était de très belles roses. Et ça faisait un petit peu comme à la maison romaine à Épinal, une allée avec des rosiers tout autour de... Vous passiez sous une haie de rosiers. Alors, naturellement, à 8 ans, vous vous dites, dessiner une rose, non, c'est trop difficile. Alors, à l'époque, j'ai habité au Solserre au départ, et il y avait des églantiers. Alors, j'étais repéré les églantiers, et à la place des roses, j'ai fait des églantines, voilà, c'était plus simple. D'accord. Donc, du coup, c'est... Et là, maman avait été convoquée à l'école, et elle m'a offert des cours. À l'époque, nous allions à l'école le mercredi, mais c'était le jeudi. Et le jeudi, toute la journée, j'étais... voilà. Je faisais de la musique, je faisais du dessin, et ma maman faisait des jours Venise pour m'offrir mes cours de peinture. D'accord. Et j'ai un petit peu tout fait. J'ai commencé par faire du fusain, après j'ai fait de l'aquarelle, j'ai fait du pastel. Et je disais toujours à mon professeur, oh, j'étais dans une école libre, Notre-Dame, et je disais, oh ma mère, je voudrais tellement faire de l'huile. Alors elle me disait, Marie-Thérèse, apprenez déjà à bien faire tout ça, et puis après on verra. Et voilà, un jour, j'avais 18 ans, j'étais toujours en rapport avec elle. J'avais eu bien des ennuis dans ma vie, j'avais perdu mon papa, j'étais obligée de travailler, etc. Mais c'est la peinture qui m'a tenue debout, parce que cette sœur a dit à maman, achetez-lui une boîte avec un chevalet d'huile et on va commencer. Et là, c'était pour moi le paradis. D'accord, donc c'est vraiment comme ça du coup que vous avez fait vos premiers pas. J'ai oublié complètement tous mes problèmes. Et actuellement encore, quand je vais dans mon atelier, quand je passe la porte, je fais... Ouf. D'accord. Vous avez vraiment du coup l'impression d'être dans votre monde. Oui. Et après, si vous me parlez de ma formation, après j'ai voulu naturellement me former. J'ai été à l'Académie d'art plastique à Épinal, où maintenant je suis devenue prof. D'accord. Et j'ai été à l'École des Beaux-Arts à Nancy pendant au moins 5-6 ans, où j'ai fait de tout. J'ai fait de la gravure, du dessin, de la peinture, etc., etc. D'accord. Donc du coup, l'art a toujours fait partie de votre vie, du coup. Absolument. Absolument. Et par exemple, aujourd'hui, est-ce que vous vous verriez sans l'art dans votre vie ou pas ? Non. Non, je ne vois pas. J'étais malade l'année dernière et pendant 7-8 mois, je n'ai pas pu peindre beaucoup. Mais j'avais quand même mes carnets d'aquarelle parce que je ne suis pas trop aquarelliste. Je me suis spécialisée en peinture à l'huile et en pastel. Mais il y avait des fleurs. et je mettais les fleurs sur ma table de, sur ma table. Et puis, je n'allais pas dans mon atelier, je n'avais pas la force, mais je faisais des dessins, des cartes pour un petit peu mes amis, pour, voilà. D'accord. Et donc, comme vous venez de le dire, du coup, vous êtes attiré, vous avez toujours été attiré par la beauté des paysages et des fleurs, du coup, on vous parle... Surtout des paysages. D'accord. Mais les fleurs aussi, naturellement. J'en ai fait plus que je n'en fais actuellement, parce qu'on essaye d'évoluer dans son art, n'est-ce pas ? Bien sûr. Alors, j'ai plutôt un art figuratif, d'ailleurs, que je revendique, parce que je sais dessiner. Et quand je fais quelque chose que j'essaye de faire abstrait, eh bien, ça revient toujours, ça ressemble toujours à quelque chose. D'accord. Et donc, du coup, qu'est-ce que, quand vous représentez, par exemple, des paysages, quand vous dessinez des paysages, quand vous peignez des paysages, qu'est-ce que ça vous procure ? D'abord, je suis une peintre de terrain. D'accord. Moi, maintenant, parce que, bon, l'âge aidant, c'est plus difficile, et puis il fait pas toujours beau hein, dans les Vosges. C'est vrai. Mais j'aime par-dessus tout ma région. Ça revient beaucoup à faire des sapins, hein. J'en fais pas mal. Hein. D'accord. Mais quand je vois un beau paysage, même en passant en voiture, je me rappelle mon fils, nous partions en vacances une fois, puis je dis, oh là là, le beau pont. Alors il dit, je t'arrête. Et j'ai souvent mon petit carnet de croquis et de ma voiture, je fais des dessins, je m'arrête. D'accord. Quand j'ai le temps, bien sûr, mais je prends le temps d'observer, voilà. Et je trouve qu'il y a toujours des couleurs merveilleuses dans nos montagnes. C'est super. C'est vrai. Puis même pas loin d'ici, en Haute-Saône, il y a aussi des jolis paysages, oui. Des jolis prés, des jolis champs. Oui. Ça vous est déjà arrivé d'aller en Haute-Saône, par exemple, pour dessiner? J'ai fait beaucoup de cures à Bourbonne et les après-midi, après la sieste. Je filais, je mettais le réveil pour aller dessiner. Et bon, ben, ça se passait souvent au mois de novembre. J'aime beaucoup le printemps, mais j'aime surtout l'automne. Alors, et l'hiver, parce que j'ai beaucoup peint la neige. D'accord. Oui. L'automne avec, du coup, toutes les couleurs, le jaune, le rouge. Oui, parce que mes amis disent que je suis une coloriste. D'accord. Une impressionniste. Je n'en sais rien. Je suis ce que je suis. Bien sûr. Et donc, du coup, en faisant mes recherches, en préparant cette émission, et comme on le comprend quand vous en parlez, j'ai eu l'occasion de lire et du coup de comprendre que pour vous, dessiner et peindre, c'est plus qu'un passe-temps, que ce sont vraiment deux activités, deux arts qui constituent une évidence pour vous, une évidence qui guide votre vie et qui rythme votre quotidien. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, du coup ? Je peux vous dire que quand, par exemple, je fais à manger pour 3 jours pour être libre, pour aller peindre. D'accord. Je peux vous dire aussi que si je me suis beaucoup occupée de ma famille, et peut-être que si j'avais eu plus de temps, je serais plus loin dans mon art, mais je m'en fiche. Je pense que... Oh, c'est difficile à expliquer. Je ne voulais pas y croire, mais je crois que je suis une passionnée. D'accord. C'est une bonne chose d'être passionnée par ce qu'on fait. Oui, mais il faut faire attention de ne pas ennuyer le monde. Mais quelquefois, je me souviens, j'ai porté mes deux noms, c'est-à-dire que Luc, c'est mon nom de dame, et Chanel, mon nom de demoiselle. Et je signe mes tableaux MT Chanel parce que Chanel m'a fait beaucoup d'ennuis et j'avais un magasin de prêt-à-porter. Mais... Luc, j'ai continué à le porter parce que j'ai dit à mes fils, vous avez été un petit peu esclave de mon art. Et c'est vrai. Je me rappelle quand ils étaient tout petits, je voulais offrir à maman un tableau pour la fête des mères que D'accord. je voulais terminer. Mais c'était une copie de Monet, le chant de Coquelicot. Mmh. Et je leur disais, attention, attention, ne touchez pas ceci, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Et je me souviens, le plus grand a dit à son frère, viens, laisse maman tranquille. D'accord. Et donc, du coup, quels sont les peintres, les artistes qui vous inspire dans votre art? Ben d'abord, j'ai beaucoup travaillé les impressionnistes. D'accord. Parce que, justement, le professeur que j'avais, c'était une dame qui, malgré qu'elle était en religion, avait beaucoup... je pense qu'elle avait une formation... Oui, elle avait une formation artistique très poussée. Elle était belge. D'accord. Et je ne sais pas où, je ne lui ai jamais posé la question, où elle avait fait sa formation, mais c'était vraiment quelqu'un. Et elle m'avait dit, Marie-Thérèse, il faut copier, il faut copier. Alors, j'allais même au musée copier des tableaux. D'accord. Alors, j'ai copié beaucoup Monet. Mm-hmm, bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que j'ai encore copié? Je ne sais pas. J'ai copié beaucoup de choses. Et puis un jour, c'était quand j'avais 18 ans que j'ai eu mon chevalet, ma boîte. Alors j'ai commencé à copier des paysages d'après des images que je voyais. Par exemple, il m'arrive de faire des tableaux, même avec une petite découpure du journal. Mais après, c'est moi qui transcris, si vous voulez. Mmh. J'ai fait un pastel, par exemple. Un jour, je suis abonnée à Vosges Matin. Et je reçois le journal, je vois une petite... Mais c'était vraiment une petite vignette. Et c'était marqué répétition de musique à Avagnier. Mmh. Oh, ça m'avait... Je trouvais que le groupe était bien, c'était bien. Alors, j'ai commencé un pastel. Naturellement, j'ai fait mon pastel, j'ai grossi peut-être 6 fois cette image, je ne sais pas, comme ça. Mais je ne l'ai pas copié, je m'en suis inspirée. Et j'ai pris un pastel clair, je l'ai mis au-dessus, j'avais mis déjà du très foncé sur la droite, je mets, oh, ça me faisait une de ces lumières. Ah, ben j'ai dit, voilà, c'est trouvé. J'ai mis les instruments avec cette lumière qui me venait comme d'une trappe au-dessus, contre le mur. Et voilà comment d'accord. Un tableau se construit. Parfait. Donc il est 14h13. Avant de poursuivre et de parler encore plus de tout ça, je vous propose de nous lancer directement dans la première fréquence musicale, comme j'aime à l'appeler, dans la première pause musicale que vous avez choisie, Marie-Thérèse, et que nous écoutions pour commencer le compositeur, pianiste et chef d'orchestre allemand Johannes Brahms, je ne sais pas comment, Quand ça se prononce, avec son concerto pour violon. Voilà, pour violon et orchestre en ré majeur. Oui. Voilà, vu que le morceau est assez long, je vais laisser. Non, vous pouvez passer ce qui me plaît. Beaucoup, bon, j'aime beaucoup l'adagio, mais c'est le final, c'est tellement gai. La la la la la la la la la la la la la. Donc, du coup, je vais mettre vers la fin. Oui. Voilà, puis ça va être très agréable à écouter, un peu de musique classique. Je crois que c'est du classique. Oui, bien sûr. Voilà. Ben, je suis aussi musicienne. D'abord, on pourra en parler juste après si vous voulez. Oui. Donc, du coup, on écoute. Un morceau de ce morceau, voilà, et on se retrouve juste après. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. Et vous êtes de retour sur Radio Gemozo, vous êtes bien sûr toujours en direct. Il est 14h18, vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement, sur notre site internet, sur notre application mobile et web Orange Radio partout en France. Vous venez d'écouter Johannes ou Johannes Brahms avec son concerto pour violon et orchestre en ré majeur. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Marie-Thérèse Chanel, peintre, artiste peintre, qui est là pour nous parler de sa carrière de peintre et de tout ce qu'elle fait. Ça va toujours ? Ça va toujours, Chris. Merci. Super. Donc, du coup, on va reprendre le cours de cette émission. Donc, vous le disiez juste avant cette pause musicale, vous êtes également musicienne en plus d'être peintre. Oui. Est-ce que... Et j'ai du mal de séparer. Mais il m'arrive très souvent de peindre en musique. D'accord. Naturellement, je suis peut-être moins au courant de toute la nouveauté de la musique. Mais je pense que musique classique ou autre musique, ça se confond. Je pense qu'il y a un a priori un peu quelquefois contre la musique classique, et pourtant... C'est vrai. Donc du coup, vous êtes également musicienne, donc c'est de la musique classique que vous faites ? Mais j'ai commencé, vous savez, mais je voulais un piano, mais d'accord, on ne trouvait pas tellement de piano quand j'étais plus jeune. Et bon, maman a dit, mon père jouait du bugle, c'est du cornet à piston. D'accord. Alors on chantait à la maison naturellement et c'était lui qui déchiffrait les partitions. Et puis... un violon, ben ça grinçait trop. Alors quoi ? On ne trouvait pas de piano. Eh bien, j'ai eu une mandoline. J'ai eu une mandoline que mes parents avaient achetée au Quai des Bons Enfants, aux établissements de la Croix. De la Croix, Madame de la Croix, Madame Francine de la Croix, qui est devenue Madame Jourdain et qui est la maman de Monsieur Jourdain, qui est au Conseil départemental. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, vous peignez donc en musique. Donc, quand vous peignez en musique, est-ce que c'est de la musique classique, que de la musique classique que vous écoutez ? Oui. Oui, souvent, souvent, très souvent. Mais je mets un peu radio France Musique, parce qu'à Épinal, on n'arrive pas à obtenir radio classique. Radio classique, il faut que je prenne ma tablette ou mon téléphone et que je mette un ampli pour écouter. Mais ça, je le fais maintenant. Je me suis acheté un, je me suis acheté un ampli. Je crois, non, c'est pas ampli, c'est, je ne sais pas. C'est un appareil qui vous permet d'avoir la musique avec une meilleure sonorité parce que avec le téléphone, c'est pas spécialement bon. Et là, je crois que c'est un amplificateur qu'on dit. Oui, ou un haut-parleur peut-être ? Non, pas haut-parleur, non. Non. Donc, du coup, qu'est-ce que la musique, ça vous inspire ? Enfin, qu'est-ce que ça vous apporte quand vous peignez ? Est-ce que ça vous apporte de l'inspiration ? Ou est-ce que grâce à la musique, vous peignez sans vous en rendre compte, plus ou moins ? Mais la musique, je pense que c'est formidable. Ça, on ne peut pas expliquer. C'est quelque chose qui vous passe dans le sang, je dirais. Et quand je suis quelquefois obligée de m'arrêter de peindre, parce que si c'est quelque chose qui me touche vraiment, je suis obligée d'écouter plus. D'accord. D'être plus, disons, plus attentive à la musique qu'à mon tableau. D'accord. Ok, je vois. Et donc, du coup, toujours en préparant cette émission, j'ai appris qu'à travers vos toiles, vous cherchez à faire ressortir l'âme des paysages qui vous entourent, entre autres. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour vous, le fait de faire ressortir l'âme des paysages ? Mais je ne sais pas, c'est... La personne qui a écrit cela me connaît peut-être mieux que moi. D'accord. Parce que moi, je peins ce que je vois, mais quelquefois, comme j'anime un cours de peinture à Épinal, à l'Académie d'art plastique, j'ai les dames qui sont dans mon atelier, j'ai essayé de les emmener dehors. de leur faire un cours, comment on prend les mesures en tendant le bras avec le crayon, etc. Bon, on me voit pas là, mais je vais vous faire la démonstration. Vous voyez, par exemple, si j'avais à vous peindre, vous avez cette hauteur-là de visage depuis moi, et voilà. Alors, je les ai emmenés au cours, au château, à la Fontaine Guéry. Et nous avons essayé de travailler dehors. Mais c'est pareil, c'est tellement diffus. Vous avez tellement une amplitude d'informations. Vous êtes obligé de vous concentrer sur un sujet. Donc, vous devez quand même faire comme si vous aviez un regard entre vos... Vous mettez vos mains de chaque côté de votre tête et vous tirez vers devant vous, et vous ne peignez que ce qui est dans cette zone. D'accord. Vous n'allez pas regarder, tourner votre tête à droite ou à gauche, parce que là vous êtes perdu. Il faut que vous vous délimitiez. Alors par exemple, si je vais dehors et si je fais un paysage et je regarde ce que mes mesures me donnent, et par exemple je dis, oh là, cette maison va me faire la gauche et cet arbre va me faire la droite, et je peins ce qui est entre les deux. D'accord, vous utilisez des points de repère. C'est ça, on est obligé dehors, sinon c'est pas possible. Alors il y a une autre, il y a un handicap, c'est quand il y a du soleil, naturellement ça se déplace et oui. On est obligé de... Donc quand je vais dehors, je fais souvent un lavis, c'est-à-dire que je prends une toile avec un petit peu de peinture et un petit peu d'essence de térébenthine, je fais mon dessin et je prends une photo après. Et puis je termine en atelier. On est bien obligé. Bien sûr. Parce qu'on ne peut pas rester. Ou alors il faudrait revenir chaque jour à la même heure, au même endroit, etc., etc. Ce qui prend vraiment trop de temps. On ne peut pas se permettre. Et à ce moment-là, j'ai déjà remarqué que la photographie. Réduit la perspective, c'est-à-dire qu'elle vous donne presque 1 cm à 2 cm de hauteur en moins, qu'avec mon œil, si je regarde le paysage, eh bien, je n'ai pas tout à fait les mêmes dimensions qu'avec une photo qui me raplatit, il me raplatit mon paysage. Voilà. J'ai été faire la place des Vosges parce que je fais partie de Pigmenté et ils organisent l'été des artistes et j'ai fait un tableau sur la place des Vosges. Eh bien, si je regarde une photo de la place des Vosges, la grande maison, elle est beaucoup plus petite que ce que j'ai dessiné. Bien sûr. Et donc, du coup, comme vous l'avez dit en début d'émission, vous peignez beaucoup des paysages. Donc, est-ce que justement, c'est aussi cette diversité qui vous plaît dans les paysages ? Parce que si je regarde autour de nous, aucun paysage n'est le même. Non. Non, non, il suffit. Mais même si vous vous placez dans un axe et qu'une autre personne soit dans l'axe voisin, elle ne fera pas le même tableau que vous. Donc, c'est cette diversité, du coup, qui vous plaît aussi Oui. Dans la peinture des paysages. Ben, et puis c'est les couleurs, tout y est. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Les couleurs sont dans la nature. Mais il ne faut pas prendre la couleur qui sort de ces tubes, ça c'est sûr. Et il faut essayer de la créer. Faire des mélanges. Voilà. Et tout à l'heure, je voulais vous dire ce que j'ai omis de dire. J'avais commencé, que j'animais donc mon cours. Et j'ai eu de mes participantes qui me disaient « Mais Marie-Thérèse, tu vois du violet, là ?» D'accord. Et voilà, c'est peut-être ça qui fait la différence. Parce que le paysage, je le scrute. Mm-hmm. C'est important. Je le regarde intensivement. Et quand je suis là devant, vous savez, je suis assez bavarde, mais là, je ne parle plus. Vous admirez. J'admire et je me concentre. D'accord. Et du coup, est-ce qu'à travers vos toiles, il y a une certaine aussi volonté de faire passer un certain message ou pas du tout ? Ou juste d'offrir du plaisir aux yeux des spectateurs ? Mais peut-être que je ne réfléchis pas si loin. Je pense simplement que, par exemple, je suis admirative de mon pays. Eh bien, quand récemment, je viens de faire une toile sur le paysage. Un jour, j'ai vu un paysage. J'étais à la... c'est pas la Mosène, c'est à la Chaume Francis, et on voit Gérard May certainement depuis là, mais il n'y a pas tellement de construction, mais la lumière était tellement belle que même je me suis arrêtée et j'ai regardé, là j'ai pris une photo aussi bien sûr, parce qu'il y avait de la neige. Bien sûr. Mais ça m'arrive aussi d'aller, par exemple, j'ai fait un tableau, j'étais du côté de Dompère ou par là-bas, et j'étais dans la voiture en train de dessiner avec ma boîte d'aquarelle ou alors mes crayons pour mettre, ou alors je prends des notes, je dis telle couleur, telle couleur, telle couleur, si je veux aller plus vite. Comme ça, vous savez quelle couleur ira où. Voilà, voilà. Et puis il m'arrive aussi, quand je suis en train de peindre, d'évoluer, de ne pas faire quelque chose de... Je ne fais pas, par exemple, la photo que j'ai, je ne la fais pas sur une photo glacée. Je tire la photo sur mon ordinateur pour avoir une photo vraiment sur un papier tout à fait ordinaire et pour avoir des couleurs ordinaires. D'accord. Et après, c'est moi qui... C'est moi qui interprète. Ouais, du coup, le plus fidèle possible à la réalité. Ah, bien sûr. C'est important. Bien sûr. Et du coup, il est important de souligner également que vous ne cherchez pas qu'à représenter les paysages des Vosges et de France, car dans votre vie, vous avez eu l'occasion de faire plusieurs voyages. Oui, absolument. Est-ce que vous vous inspirez aussi du coup de vos différents voyages pour vos toiles? Ah mais oui, tout à fait, parce que chaque fois que je reviens chaque fois que je suis revenue d'un voyage, j'avais d'autres inspirations, c'est sûr. Quand j'ai été j'ai fait un voyage il y a quand même il y a peut-être 20 ans. Bon non, 15. Non, 20 ans. Et je suis partie au Maroc. D'accord. Et je me souviens avoir vu l'Atlas, mais moi qui ne suis pas une pleureuse, j'avais les larmes dans les yeux tellement c'était beau. Les couleurs, c'était quelque chose de magique. J'avais des teintes rosées, des teintes vertes, mais qui étaient d'un vert si doux. Je ne peux pas expliquer ce que c'était beau. Il faut le voir pour voilà. Et peut-être que certaines personnes, on n'est pas tous attirés vers la même chose. C'est comme en musique. Bien sûr. En musique, vous entendez un adagio qui vous émeut, et puis la personne à côté n'y comprend rien. J'ai déjà vu, par exemple, une de mes amies, que j'aime beaucoup, et j'écoutais le concerto pour... c'est pour clarinette et orchestre de Mozart. Et l'adagio est merveilleux. Et j'ai fermé les yeux. J'étais en face d'elle en train de discuter. Et j'ai fermé les yeux 2 minutes. Et puis, quand je les ai ouverts, j'ai vu qu'elle riait. Et j'ai pensé qu'elle se fichait de moi. Alors je dis, tu te fiches de moi? Elle me dit, non, mais je ne comprends pas. Il y a autant de représentations qu'il y a d'êtres humains, par exemple. Oui. D'accord. Donc, il est 14h31. Avant de poursuivre à nouveau, je vous propose de nous lancer directement dans la prochaine fréquence musicale que vous avez choisie une nouvelle fois, Marie-Thérèse, et que nous écoutions cette fois-ci un autre compositeur autrichien, cette fois-ci, Johann Strauss. Ah, Johann Strauss, mais ça, c'est les valses, n'est-ce voilà, pas tout. Et alors, je suis une valseuse. Et vous savez ce que j'ai dit à mes enfants? J'ai dit, si vraiment je suis très malade et que vous voyez que je suis en train de perdre pied, vous mettrez une valse de Strauss, la valse de l'empereur, et je ressusciterai le temps de la valse. Vous voyez, ça va loin. Hein, c'est pour ça que je vous ai donné ces titres-là. Vous avez raison. On écoute la valse de l'empereur de Strauss et on se retrouve juste après. Donc à tout de suite sur Radio Game Ozo. venez d'écouter la marche de l'empereur de Strauss. Super. C'est la première fois que je fais de la radio, mais ma foi, en votre compagnie, c'est facile. Ah ben, c'est gentil. On essaie toujours de mettre à l'aise nos invités parce qu'il y en a, ils peuvent être très stressés, un petit peu stressés. Et on essaie toujours de les détendre au maximum. Ah non, je ne suis pas stressée. Donc, même question que pour la première fréquence musicale, pourquoi le choix de ce morceau ? Le premier morceau, mais je ne l'ai pas reconnu celui que j'aime. Je n'ai pas reconnu le morceau que j'aime de Johannes Brahms. Il a écrit un seul concerto pour violon, je ne comprends pas, j'en ai entendu un autre. Je vous ai chanté tout à l'heure ce que j'avais envie d'entendre. Oui. C'était beaucoup plus vif et beaucoup plus gai. Mais bon, parce que c'est un morceau qui m'émeut. Je comprends. J'en ai plusieurs, comme ça, et que je ne me lasse pas d'écouter. Et je crois que celui que vous avez gardé pour la fin, alors là, les personnes le connaissent, peut-être pas assez, mais vraiment, je vous dirai tout à l'heure. Tout ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que c'est la musique d'un célèbre film tiré d'un célèbre roman. Voilà. On laisse un petit peu le suspense pour le moment. C'est ça. Et donc, du coup, on va reprendre le cours de cette émission. Donc, je crois savoir que vous présentez du coup vos œuvres, comme on en a parlé tout à l'heure, vos toiles partout dans le monde. Ben oui, j'ai exposé pas mal. J'étais à Paris, mais c'était, vous savez, ce n'était pas par gloriole. C'était un défi que je me posais. D'accord. Parce que je me suis dit, est-ce que je serais acceptée ? Mmh. Alors, j'ai essayé. D'abord, j'ai commencé par la Lorraine, à Nancy, par les artistes lorrains, dont je suis devenue sociétaire. Mais il y a de nombreuses années. Naturellement, au début que vous peignez, vous vous posez beaucoup de questions. Vous ne savez pas si vous êtes à la hauteur ou pas. Et vous ne pouvez pas être à la hauteur tout de suite. Il faut quand même un tout petit peu travailler. Et je pense même qu'il faut beaucoup travailler. Bien sûr. Et puis après, j'ai essayé le Grand Palais à Paris, mmh. où j'ai exposé de nombreuses fois. Je fais partie des... Je suis sociétaire aussi des artistes indépendants. Mais j'ai aussi essayé le Salon d'automne international. Et c'est pour ça que j'ai exposé en Chine, que j'ai exposé à Saint-Pétersbourg, que j'ai exposé... Je ne sais plus trop. Mais là aussi, c'est pareil. Je soumettais un dossier avec un tableau. Et j'étais acceptée ou pas acceptée. Quelquefois, vous êtes refusée, vous savez. J'ai été une fois refusée. Je ne sais plus, c'était... Et une autre fois, j'ai essayé le Salon des Beaux-Arts. Alors, ça, c'est vraiment très... Là, j'étais très émue de participer à ce salon. C'est un très beau salon qui se passe au Carrousel du Louvre. Et c'est vraiment... là, j'avais la chance d'être sélectionnée. Je trouvais que j'étais quand même... non, je ne dis pas fière. Fière, ce n'est pas le terme. J'étais... intérieurement contente. D'accord. Et donc, du coup, je crois savoir également que vous avez remporté aussi déjà plusieurs prix. Oui. Oui. Dans votre carrière, c'était des prix à la suite de concours ? J'ai fait un concours à Épinal. C'était le concours du Kiwanis à l'imagerie. Et là, j'ai eu le deuxième prix. Mmh. C'était sur... c'était comment, attendez voir, Antine, comment ça s'appelle avant, oh, je ne sais plus, Antine, je ne peux plus vous dire. Je sais qu'il voulait amener l'eau à des jeunes enfants, et ils avaient fait ce concours à l'imagerie, J'étais aussi très étonnée de recevoir le deuxième prix parce que nous étions quand même pas mal à nous présenter. Bien sûr, j'imagine. Oui. C'était Madagascar. C'est Antinovo ou Antinonovo, la capitale, je sais. Alors j'avais dessiné la carte de Madagascar et j'avais illustré avec des dessins. Naturellement, j'avais cherché quelques documents. Et par exemple, on voyait une dame qui aidait un petit garçon à se laver les mains, à tout ça. C'était, ben c'est, ça pourrait être encore en ce moment à l'actualité, n'est-ce pas? Mais là, c'était pour Madagascar. Bien sûr. Donc, Antananarivo. Voilà, c'est ça. La capitale de Madagascar. Je l'ai su, fut un temps, et j'avoue, j'ai regardé sur Internet, car j'avais également un petit doute. Oui, mais parce que ça a changé de nom. D'accord. Oui. Je ne savais pas. Est-ce que vous êtes déjà arrivé, lors de salons, d'expositions, etc., d'avoir des demandes de conseils de peintres qui débutent dans la peinture? Oui, j'ai même eu des demandes pour venir à mes cours. D'accord. Parce qu'il y a des personnes qui aiment ce que je fais. Bon, je ne peux pas plaire à tout le monde, hein, parce que étant figurative, vous savez, actuellement, il y a eu une vague, je ne sais pas si elle va pas un peu disparaître, mais il y a eu une vague où nous étions que dans l'abstrait. Et les personnes pensaient que plus c'est fantaisie, plus c'est abstrait, mieux c'est. Bon, moi, je ne peux pas m'en sortir dans ce domaine, donc je reste où je suis. Et j'ai des personnes qui aiment ce que je fais. Bien sûr. Oui, je voulais vous parler d'un prix que j'ai reçu à Saint-Avold. Allez-y. Et là, c'était... je sais que j'avais été contactée par Internet maintenant, certainement qu'avec peut-être... mon site Internet a été changé l'année dernière. Et j'avais un blog. Et je reçois un jour un message me disant « Est-ce que vous voudriez participer au salon de Saint-Avold ?» Moi, je me suis dit « C'est quand même loin. » Mais Saint-Avold, pour moi, représentait énormément parce que mon père avait été garde républicain à Saint-Avold. Alors, il m'en avait parlé beaucoup. Et je me suis dit « J'ai demandé à mon fils, qu'est-ce que tu penses? Il me dit, tu sais, t'as quand même bien 250 kilomètres. Bon, ma foi, allez, j'ai accepté. Et puis, j'ai été porter mon tableau et je dis à la dame, écoutez, je ne pourrai pas venir au vernissage et ça sera certainement une autre personne qui viendra rechercher mon tableau. Ah ben écoutez, ça, vous nous direz, enfin, etc. Le lendemain, j'étais dans un bureau en train de faire des papiers. Je reçois un coup de fil et la dame me dit « Écoutez, madame, vous allez être obligée de venir au vernissage. » Mais j'ai dit « Non, madame, je ne peux pas. Je vais chez le coiffeur. » Et alors, elle me dit « Écoutez, vous reporterez votre coiffeur, vous le ferez la veille, parce que ça vaut... vous le ferez ce soir, parce que ça vaut le coup quand même de venir. » Ah, je dis pourquoi? Eh bien, elle dit, vous avez eu le grand prix de la ville de Saint-Avold. Je dis, ah bon? Oui, alors elle me dit, ça comporte quand même un gros chèque et vous laisserez votre tableau. Alors j'en étais un petit peu, comme on dit, dans les Vosges, baba. Bien sûr. Eh bien, naturellement, je me suis organisée pour aller chez le coiffeur et recevoir mon prix. Bien sûr, j'imagine. Et est-ce que. À travers vos œuvres, vous avez une certaine volonté d'offrir aux spectateurs une sorte d'appel au voyage. Oui. Oui, parce que quand je voyage, il y a toujours des choses qui me frappent. Ça dépend où, bien entendu. Mais par exemple, je vous disais tout à l'heure, quand je suis allée au Maroc, c'était tellement, j'ai eu tellement de jolies couleurs que je veux les traduire, moi, sur ma toile pour essayer. Mais vous... Je pense que on n'arrive jamais à tout à fait donner les impressions que l'on a ressenties. On ne peut pas les transmettre absolument. Je vous disais tout à l'heure, ça dépend de la personne qui va regarder le tableau ou qui réceptionne votre message. Parce qu'il y a des personnes qui sont sensibles à certaines beautés, je ne dis pas que, mais d'autres à certaines autres. Bien sûr. Et toujours, du coup, en préparant cette émission, notamment grâce à votre site internet, j'ai eu l'occasion de voir que vous réalisez également des compositions animées. Oui, ça veut dire que je que les personnes que je peins ou ne sont pas raides. D'accord. Il y a vraiment cette impression de mouvement, du coup. C'est un mouvement, oui. Oui, oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. Je, par exemple, j'ai fait, comme j'aime bien la musique, j'ai appris naturellement, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, la mandoline, mais après j'ai quand même eu un piano, n'est-ce pas ? C'était mon rêve. Et je l'ai eu, j'avais 30 ans. D'accord. Mais il a fallu s'y mettre. Bien sûr. Et j'ai eu comme professeur Madame Chevalier, qui est la créatrice du grand concours international de piano d'Épinal. D'accord. Elle me prenait les mains, elle me disait, si j'avais eu les mains, ces mains-là plus tôt. Elle voulait me faire monter sur les planches, m'emmener dans le concours artistique. J'ai dit non, ça, Suzanne, vous n'arriverez pas. Ça, je ne veux pas monter sur les planches au théâtre, et ça, je ne... Non. Là, alors, pour le coup, venir parler avec vous, c'était facile, mais monter sur un... sur une estrade et jouer de la musique pour quelqu'un, mais là, j'étais paralysée complètement, c'était pas possible. Et un jour, elle me dit, nous avons... le concours, c'était dans les débuts, tous les débuts du concours artistique. Elle me dit, est-ce que vous hébergeriez quelqu'un qui vient pour le concours? Parce qu'il y a des jeunes qui n'ont pas trop les moyens n'est-ce pas, d'aller à l'hôtel et tout. Alors, ben, je dis, pourquoi pas? Alors, au début, j'ai prêté mon piano. Mais après, j'ai hébergé les gens. Et un jour, elle me prend comme ça, face à elle, et elle me dit, Marie-Thérèse, est-ce que vous pouvez me promettre quelque chose? Alors, je dis, ben, dites toujours si je peux tenir. Et elle me dit, est-ce que vous accepterez, même quand je ne serai plus là, d'avoir quelqu'un chez vous, d'aider le concours? Alors je lui ai répondu, Suzanne, je vous promets que tant que j'aurai la force, je recevrai des candidats. Et il y a 3 ans, j'ai encore reçu une candidate. Bon, cette année, il n'y avait pas assez de candidats, mais j'étais quand même inscrite pour recevoir quelqu'un. Parce que j'ai un piano, maintenant j'en ai plutôt 2. Et moi, je ne peux plus beaucoup jouer parce que j'ai mal aux mains. Et donc, j'avais fait accorder mes pianos pour que, éventuellement, si je recevais un candidat ou une candidate... Mais je crois qu'ils étaient seulement 13, alors qu'habituellement, il y en a 80. Alors, Donc, il est 14h51. Donc, nous arrivons déjà bientôt à la fin de cette émission. Mais avant de conclure, on en parlait un petit peu plus tôt dans cette émission. Je vous propose de nous lancer dans la 3e fréquence musicale que vous avez choisie une nouvelle fois et que nous écoutions la musique du célèbre film Autant en emporte le vent, c'est sorti ça. En 1939. Un film adapté du roman éponyme de Margaret Mitchell. Voilà, cette musique a été composée par le compositeur austro-américain Max Steiner. Voilà, donc on écoute la musique de ce célèbre film. On se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette émission. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. vous êtes de retour sur Radio Guémozo. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux pendant encore quelques minutes de Marie-Thérèse de Chanel, peintre qui est là pour parler de sa carrière de peintre et de tout ce qu'elle fait. Tout va toujours bien ? Tout va toujours bien, mais quand j'entends cette musique, je suis toujours très émue. D'accord. Il me passe par le corps une espèce de... Je ne peux pas expliquer. Et ça, depuis toujours, quand j'entends. J'ai vu le film, bien sûr que je l'ai vu plusieurs fois, mais je pense que cette musique, je n'oublierai jamais. C'est vrai que c'est une jolie musique, je trouve. Donc du coup, comme annonce cette pause musicale, voilà, nous arrivons du coup déjà à la fin de cette émission. Y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas encore abordé, mais qui mériterait absolument d'être abordé, ou est-ce qu'on a fait le tour ? Je pense que je me suis déjà bien livrée. Bien sûr. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre. Bah, si y a rien d'autre à ajouter, on n'ajoute rien du coup. Je peux vous dire qu'en ce moment, je voudrais... J'ai déjà fait Épinal depuis le château avec sa basilique. Bon, une autre fois, je l'ai fait sur un grand panneau de bois qui mesure au moins 2 mètres sur 1,50 m. Parce que il y avait, c'était un thème, c'était sur Chantraine. Et le maire de Chantraine m'a dit, mais madame, vous avez fait plutôt Épinal que Chantraine. Et j'ai dit, mais monsieur le maire, excusez-moi, quand on regarde Chantraine, on voit Épinal d'abord. Bon, je pense que j'avais raison. Et là, en ce moment, la semaine dernière où il faisait si beau, où il y a une dizaine de jours, je suis allée avec mon appareil photo dans les escaliers qui sont au-dessus de la place Stein. Non, c'est pas la place Stein, là, c'est la place Guilgaud, je crois. Et j'ai été prendre la basilique d'un autre côté. C'est un tableau là que je mets en route. D'accord. Si nous voulons vous suivre et suivre votre actualité, comment est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, j'ai d'abord un site internet. C'est Marie-Thérèse Chanel tout attaché .fr. Voilà, je mettrai le lien utile, enfin le lien, tous les liens utiles en podcast de cette émission. J'allais vous demander vos projets futurs. Donc du coup, vous avez commencé un nouveau tableau, comme vous venez de le dire. Est-ce que vous en avez d'autres? Quand vous travaillez à l'huile, vous êtes obligé d'en avoir plusieurs, parce que le temps que ça sèche, n'est-ce pas, il faut... Et je travaille de plus en plus au couteau, ça je ne vous l'ai pas dit, parce que comme j'ai eu très mal aux mains, il y a quand même déjà un petit moment, le piano, je n'ai pas pu continuer, parce que c'était trop dur, mais peindre avec un pinceau, pendant une heure, j'avais la crampe dans les mains, et j'ai pris des couteaux maintenant. Et peut-être que ma façon de peindre s'est un tout petit peu libérée, parce que les couteaux m'ont aidé à travailler plus librement. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Déjà la santé. Bien sûr, c'est le plus important. Oui. Et puis garder... j'ai un ophtalmo qui veut absolument garder mes yeux. Alors, les mains, j'en ai fait mon affaire. Et puis, voilà, je suis aussi sur Facebook, sur Instagram, n'est-ce pas ? J'ai des petits-enfants qui... Il faut que je me modernise et je suis... je fais des Snapchat et je suis sur WhatsApp et sur... D'accord. Moi, je mettrai quelques liens utiles en podcast de cette émission pour vous retrouver facilement. Est-ce que vous avez, ou j'étais totalement perdu dans ma table, est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on se quitte ? Je vais dire un petit mot aux auditeurs en leur disant que finalement, quand vous avez ou la musique, ou le dessin, ou n'importe quelle passion qui vous anime, la vie est beaucoup plus facile à vivre. Voilà, c'est un joli message. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Donc je vous remercie une nouvelle fois, Marie-Thérèse, d'avoir accepté mon invitation. Cette émission sera rediffusée demain, vendredi, à 18h, avec le podcast posté sur notre page Facebook et sur notre site internet. Si vous voulez, je pourrais même vous envoyer le lien par mail. Oui, si vous voulez. Comme ça, vous pourrez récupérer l'émission, la partager, oui. Etc., etc. L'écouter à vos petits-enfants, à vos enfants. Comme... Non, mais ils sont loin, mes petits-enfants. Ah. Vous pourrez leur envoyer le lien. Comme ça, bien sûr. Bien sûr, volontiers. Concernant la suite des programmes, retrouvez Gilou et les années bonheur d'ici une petite heure à 16h jusqu'à 17h, dans laquelle il sera accompagné au téléphone d'un artiste, auteur, compositeur, interprète québécois, Daniel Dan, qui vous parlera de son univers musical et de son dernier album en date, intitulé « Laissez-moi vivre ma vie ». Quant à nous, on se retrouve demain, vendredi à 14h, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai dans nos locaux Jean-Louis Hans de l'association Oiseau Nature. Voilà. Merci de votre fidélité à Radio Guémozo. Et du coup, je vous dis à demain. Donc, salut et à demain.